Jésus en musique. Jésus en musique, votre espace musical. Un cocktail de musique chrétienne, de chants de louanges et d'adoration. Jésus en musique, c'est aussi les anciennes gloires et les meilleures sonorités du moment. Des rencontres musicales, des entretiens avec les partenaires de la musique chrétienne. Une heure de causerie débat, d'entretien avec les partenaires de la musique en honneur de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Animateur, producteur, promoteur des spectacles à caractère musical, artiste musicien, arrangeur, manager chrétien. Cette émission est la vôtre. Jésus en musique, c'est la musique d'ici et d'ailleurs sur les 89.4. Présentation, François Delormas. El Shaddai, c'est le moment. El Shaddai, c'est le moment de consoler tes enfants. Source de vie, c'est le moment. El Shaddai, c'est le moment de bénir tes enfants. Tu es le Dieu de louange. Tu mérites notre adoration. Nous t'élévons, éternel. Honneur, puissance et gloire à ton nom. Honneur, puissance et gloire à ton nom. Jésus qui a ôté mon fardeau, Jésus, sacrifié pour moi, chante avec moi. Puissance et gloire à ton nom. Honneur, puissance et gloire. Puissance et gloire à ton nom. Honneur, puissance et gloire. Puissance et gloire. Honneur, puissance et gloire. Puissance et gloire à ton nom. Jésus qui a ôté. Jésus qui a ôté mon fardeau. Alléluia. Jésus. Jésus. Sacrifié pour moi. À toi la gloire. À toi la gloire. Oh oh oh. Oh ressuscité. À toi la gloire, à toi la gloire, mon Jésus, pour l'éternité, à toi la gloire, à toi la gloire, élevé au des cieux, ressuscité, à toi la gloire, à toi la gloire, pour l'éternité, à toi la louange, à toi la louange, à toi la louange. Du calme, tu es porté nos fardeaux, tu es digne d'adoration. Hey. Pour moi, tu as quitté ton trône de gloire. Ha. Qui aurait pu faire cela pour moi? Hey. Ton amour a surpassé la rançon, ah. Le prix a payé pour ma liberté. Alléluia. Qui aurait pu faire cela, éternel? Ton amour a surpassé la rançon, éternel. Nous te célébrons. chante avec moi. À toi la gloire, mon Jésus, mon ressuscité. À toi la gloire, à toi la gloire, pour l'éternité, tout Jésus, sauveur, roi de gloire, mon ressuscité. Chante à toi la gloire. C'est du reste, hein, je crois, le titre phare de l'album, hein, parce que l'album dont nous sommes en train de vous parler, Gloire à Dieu d'Armel Cyril, que nous recevons aujourd'hui dans le cadre de Jésus en musique. Bonjour à tous et à toutes. Voilà, nous sommes, la disais-je, dans le cadre de Jésus en musique pour la présentation du nouvel album d'Armel Cyril, une œuvre de 6 titres. On a commencé par À toi la gloire. Voilà, je suis donc pour présenter cette émission avec Armel Cyril et, bon, je ne dirais pas toute l'équipe, je pense que c'est une partie parce qu'un groupe musical, il y a un bassiste, il y a un soliste, voilà. Mais je pense que c'est juste, eh bien, quelques membres du groupe qui sont là qu'on va présenter. Voilà, je vais commencer par Armel Cyril lui-même, hein, voilà. À l'état civil, c'est Atrou Armel Cyril, voilà, quand on présente, on acclame pour encourager, hein. Voilà, c'est trop timide les gars, il sait pas, voilà, bon, ça commence à venir, voilà, et puis Big Manager, ouais, lui il est tout le temps là, en tout cas il fait son travail, c'est bien, il est régulièrement ici, dans ses studios pour parler de l'œuvre. Big Manager BT, bonjour. Bonjour, monsieur Denemas. J'ai dit chaque fois qu'on présente, voilà. Oh, vraiment. Voilà. L'arrangeur Ignace Malikai. Shalom, shalom à tous. Shalom. Voilà. Aou Rebecca. Shalom. Naomi à tous. Zozo. Bonjour à tous. Et sans oublier notre charmante consoeur Estelle. Grande chanteuse devant l'Éternel. Et puis l'émission est réalisée par Edouard Yao. Voilà. Arnaud l'évangéliste est là pour nous encourager. Merci d'être venu. Voilà. Alors on va parler hein, avec Biti. Biti, on a commencé, hein, l'émission. Voilà. D'accord. Avant d'aller plus loin, je te donne l'occasion de présenter encore Armel Cyril, pourquoi pas. Le groupe qui nous accompagne, peut-être que le groupe a un nom, on ne sait pas, on ne sait jamais. Comme ça, si je le vois un jour quelque part dans une manifestation, bon, je ne sais pas si c'est les anges de l'Éternel, les anges blancs, les archanges, les chérubins, les séraphins, bon, je ne sais pas. Ou bien si c'est un groupe sans nom, dans tous les cas, je donne l'occasion de présenter Armel. Nous sommes tous des enfants de la louange céleste, hein. Voilà, on est faut l'encourager. Des frères, des sœurs. Vous craquez, c'est facile, c'est pas facile. C'est pas facile, allons-y, oui. D'accord, animateur Denomas, c'est tout un plaisir pour nous ce soir d'être dans ce studio pour présenter cette œuvre musicale du chanteur Armel Cyril. Le phonogramme est sorti depuis le 16 octobre 2019 et il compose 6 titres. 6 titres très très bien nourris par le Seigneur Jésus-Christ, parce qu'il faut dire, le chanteur Armel, il est un amoureux de l'évangélisation, un amoureux vraiment de l'œuvre chrétienne. Il commence déjà tout petit. En 2004, il est maître de chœur, choriste en même temps et chef surtout d'orchestre chrétien dans plusieurs assemblées. Il est même formateur de formation. Il est formateur aujourd'hui de plusieurs groupes musicaux chrétiens ici en Côte d'Ivoire. Je crois que ça s'acclame quand même. Hein? Et depuis 2004, il exerce ici. Il a vraiment, vraiment, vraiment, vraiment fait preuve de son talent là depuis 2004, et il est aussi commercial de formation. faut dire que le chanteur Ahmed Civil, c'est vrai qu'il est pétri de talent du point de vue musical, mais il est aussi un intellectuel. Hein. Il est diplômé de l'école de commerce ici à Abidjan, donc il est commercial de formation. Et Ahmed Civil a parcouru plusieurs villes depuis 2004 jusqu'en 2019 avant de faire sortir son œuvre. Il est passé à Boaké, il est passé à Yamoussoukro, mais par la grâce de Dieu, vraiment, c'est en 2019, le 16 octobre, qu'on a pu faire sortir une œuvre musicale dénommée « Gloire à Dieu ». Merci beaucoup. Je ne sais pas si quelqu'un parmi vous veut ajouter quelque chose. Il est là lui-même, il va ajouter quelque chose. Armel, Ignace, chacun de vous. Voilà. Non, pas forcément, je vais dire que si quelqu'un, même les dames, vous voulez ajouter quelque chose, que vient de dire Biti, vous êtes libre. Allons-y, voilà. Oui, moi c'est Ignace Malekpaï. Voilà, il faut dire que le chanteur Ahmed Civil, c'est mon frère. Voilà, c'est mon frère. Et au sens du terme, pas forcément biologique. On a compris, oui. Mais c'est mon frère parce qu'on a partagé, oui, on partage toujours des bons moments, des moments difficiles. Voilà, et Dieu a permis qu'aujourd'hui, voilà, son œuvre soit sur la place publique. Voilà, il faut dire que on s'est rencontrés depuis, je crois, les années 2000. Et déjà là, on s'était connus, c'est sur le plateau de la musique. Voilà, et il faut dire qu'il partait chaque fois dans nos assemblées. Voilà, et il partait voir, parce que c'est quelqu'un qui aime la musique. Donc quand il apprend qu'il y a un groupe musical, qu'il y a une manifestation quelque part, un concert, voilà, tout de suite il vient, il découvre, et puis s'il y a des connaissances à faire, c'est là que nous sommes connus au fait. Et c'est là qu'il m'a approché pour dire, ah vraiment, je veux travailler avec toi, je veux que tu sois avec moi, je veux que tu sois mon arrangeur. Voilà, c'est quelque chose qui date depuis longtemps. Absolument. Depuis longtemps, et nous étions même à nos débuts, mais lui avait déjà décelé cela, et il a accepté que je puisse travailler avec lui. Donc, je rends gloire à Dieu, comme l'album même le dit, gloire à Dieu. C'est un album de reconnaissance. Vraiment, gloire à Dieu pour tous ces moments. Aujourd'hui, il a permis que ce chant-là puisse nourrir le peuple de Dieu à travers les cantiques. Parce que quand nous écoutons les chansons, je pense qu'on va arriver à là. Mais il faut écouter, il faut déguster mot par mot l'album, les chansons écrites, pour percevoir ce qui est là-dedans. Voilà, j'invite tout le monde à écouter. Absolument. Voilà, ce n'est pas forcément faire danser, mais écouter le fond des paroles. Et ça retrace des histoires, des bonnes histoires, des histoires tristes, comme des histoires merveilleuses. Et je pense qu'avec Dieu, c'est l'espérance. Avec notre Seigneur Jésus, nous sommes destinés à l'espérance. Et cet album vient donner l'espoir. Il faut l'encourager, il parle très bien. Hein? Voilà, l'espérance. Cet album vient donner l'espérance aux chrétiens. Voilà, ne pas se laisser. Il y a quelque chose à la fin. Voilà, tu essaies de persécuter, tu passes des moments difficiles. Lui-même, il a un témoignage de ce qu'il chante. Amen, amen. Voilà, amen, donc c'est ce que je veux dire. Non, pour c'est déjà bon, c'est bien dit. Vraiment, que c'est Dieu bénisse beaucoup, l'album et que le peuple de Dieu soit édifié au travers de cet album. Vraiment, on est content. On est content, en tout cas, pour tout ce qui est dit, vraiment, c'est bien. Ça nous encourage. Hein. Voilà, on va vous donner l'occasion, auditeurs, d'écouter un autre titre. Hein. Alors, je précise qu'à toi, la gloire qui a été exécutée, c'est tout à l'heure, ici même en studio, hein, c'est du live. On va encore leur donner l'occasion d'exécuter un autre titre, hein, à partir de ce qui vient de dire Ignace, hein, voilà, son vécu, toutes les expériences qu'ils ont vécues. Il faut écouter le message. C'est très, très. C'est vrai que dans ce qu'on va écouter, l'album, le titre, on pourra aussi danser, c'est pas mauvais, mais pour revenir sur ce qu'Ignace a dit, c'est aussi et surtout le contenu du message et c'est très important. Alors tout cela pour dire que dans les situations compliquées que nous traversons, le Seigneur a toujours montré qu'il est avec nous. Bien sûr. Emmanuel, on écoute. Effectivement, Emmanuel, pour juste ajouter avant de commencer ce cantique, ce titre nommé Emmanuel nous dit que Jésus est notre seul ami et c'est le seul ami fidèle. Amen, amen. Tout à l'heure de Le Mas, notre frère l'arrangeur, il a bien dit que le chanteur Ahmed Civil est quitté de très loin et aujourd'hui on est arrivé jusqu'à là. C'est parce qu'il a eu confiance à un seul ami et cet ami-là ne l'a jamais abandonné, c'est Jésus. Écoutons ensemble ce titre Emmanuel. Quand le vent se lève, que des âmes s'écroulent, je n'ai que toi, Emmanuel. Toi seul prête l'oreille à mes soupirs. Tout le monde s'en va sauf toi. Et quand la nuit devient très longue sur tes épaules, Emmanuel, je pose la tête. Ha. Mon seul ami, c'est toi, Emmanuel. Mon seul appui, c'est toi, Emmanuel. Mon seul refuge, c'est toi, Emmanuel. Où que tu sois, bien-aimé, chante avec moi, mon seul ami. Mon seul ami, mon seul ami, mon seul ami, c'est toi, Emmanuel. Mon seul appui, mon seul appui, mon seul appui, c'est toi, Emmanuel. Mon seul refuge, mon seul refuge, alléluia, c'est toi, Emmanuel. Mon seul ami, mon seul ami, seul ami, c'est toi, Emmanuel. Que tout le monde m'abandonne, mon seul quand il n'y a personne dans la tempête, c'est toi, Emmanuel. Oh, mon seul refuge, c'est toi, Emmanuel. Peux-tu chanter Emmanuel, Emmanuel, Emmanuel, Emmanuel, Emmanuel, Emmanuel, Emmanuel, c'est toi, Emmanuel, Emmanuel, ami fidèle, Emmanuel, Emmanuel, Emmanuel, Emmanuel, Emmanuel, yes, ha. Emmanuel, ooh. Emmanuel, ha. Ma forteresse, oh. Emmanuel, ha. Mon abri sûr, Seigneur, je ne crains plus. Je ne crains plus l'orage qui frappe quand tu es là. Hey, je ne crains plus, Seigneur, cette situation. Emmanuel, Emmanuel, Emmanuel, ah. Emmanuel. Tu as déclaré dans ta parole que je suis avec toi, Emmanuel, jusqu'à la fin du monde. Alléluia. Alors quelle que soit la peur et blessée, ne crains point. Je suis là, je suis dans Dieu, je suis avec toi. Peu importe la situation que tu traverses, bien-aimé, il déclare dans sa parole qu'il est avec toi jusqu'à la fin du monde. Alors même si tu vois du noir autour de toi, fléchis les genoux et crie à Père Emmanuel. Emmanuel, il n'abandonne pas, il n'abandonne pas. Emmanuel, chante Emmanuel. Emmanuel. Rappelez à tous ceux qui viennent de nous prendre en marche. Vous êtes avec nous, Jésus en musique. Et nous sommes avec le chanteur Armel Cyril, qui est là dans ce studio pour nous présenter son nouvel album, Gloire à Dieu. C'est une œuvre de 6 titres. Hein. On a déjà exécuté À toi la gloire. On écoute actuellement Emmanuel. En tout cas, c'est bien d'exécuter. Et je vous encourage à vous laisser entraîner dans cette mouvance de recueillement dans la présence du Seigneur. C'est très important. Merci. Alors, on va reprendre le chant depuis le début là. Parce que j'ai remarqué tout à l'heure dans l'exécution du chant, les premières notes qui ont été exécutées là. Voilà. Allons-y. Voilà. Alors je remarque ici, l'introduction, les premières notes, les premiers accords que tu exécutes avant que Armel n'entre dans le chant. Je vois qu'on a fait des passages, on a ajouté des accords, des mineurs. Alors ça c'est quoi? Ça répond à quoi? En fait, j'ai utilisé, c'est une ligne qu'on appelle communément l'anatote. Voilà, qui utilise comment dirais-je, la tonique, la sixte mineure, la seconde mineure et la quinte. Alors on peut améliorer en faisant à la sixte mineure, on peut majoriser, c'est-à-dire ajouter un majeur pour appeler la seconde mineure. Donc ce qui donne, ça fait. Alors là j'ai fait un suspendu pour appeler le majeur avant d'atterrir sur la seconde mineure. Alors je continue encore puisque je dois faire une quinte. Donc j'enrichis la seconde mineure en majeur avec un enchaînement gospel qui donne. Voilà, deux, on tombe sur la quinte. Alors là, on a une quinte 9, 11. Voilà, donc ce qui enrichit un peu comment dire, le morceau. Donc ça donne. Tu as commencé par exécuter. Au moment où tu jouais, tu passais les accords, on a pensé à un autre cantique. Hein. Et puis après, tu es revenu sur la note majeure. C'est ça. Voilà, c'est pour un peu. Bon, c'est un code musical. Hein. Bon, voilà, on se comprend. Alors, c'est quoi? Est-ce que quand c'est comme ça, ça veut dire qu'il faut que le chanteur soit bon pour te suivre ou bien c'est. Parce que tu as commencé par t'exécuter qu'il est entré dedans, ou bien tu l'as écouté chanter, et puis tu as placé les accords pour entrer, ou bien c'est lui qui t'a suivi parce qu'il chante bien. Alors, les deux à la fois. Voilà, les deux à la fois. D'abord, on décortique le morceau, on prend les accords de base, et puis voilà, quand le chanteur fait une couleur, automatiquement on se met au niveau. Voilà, c'est un peu ça. Bon, il y a d'autres qui maquillent pour le chant. Bon, moi je suis pas comme ça. Voilà, c'est ce que tu me donnes que je te rends. Voilà, donc il a donné, donc moi aussi je lui ai rendu la part. Donc, c'est ce qui a donné ça. Donc c'est un travail d'ensemble, d'équipe. Alors Armel, je vais parler un peu avec toi. Alors ce que je veux, on a écouté, je crois, à toi la gloire, non? Oui, à toi la gloire. Et puis maintenant on écoute Emmanuel. Voilà, on a dit c'est 6 titres. Uh-huh. Est-ce que les 6 titres qui sont dans cet album-là, uh-huh, ce nouvel album dont nous sommes en train de parler, uh-huh, est-ce que tous ces titres-là sont de toi? Est-ce que par exemple Emmanuel qu'on écoute, oui, c'est un chant par lequel tu as été plus ou moins influencé, parce que c'est pas mauvais. Oui, oui. Chaque artiste est influencé quelque part. C'est hein, ça, c'est à, ça. À un modèle. C'est important. Qu'il veut ressembler. Est-ce que c'est le cas? Ou bien c'est des compositions qui te sont directement venues et que tu as toi-même écrit? Parce qu'on peut être auteur, uh-huh, sans être compositeur. Est-ce que c'est ça? Tout est de toi. Gloire à Dieu, je bénis, mmh, le Seigneur. Vraiment, tous les chants qui constituent l'album viennent de moi. Oh, voilà. Yes! Viennent de moi. Oh, et. Je bénis le Seigneur. Parce que... J'ai affaire à des musiciens très chocos. Parce que je sais que les gens qui viennent de Adjoufou, Gonzague, Porbou, ils ne s'amusent pas. Là-bas, on loue Dieu. Mais ce que je reçois là, je ne crois pas qu'ils viennent de là-bas. On dirait qu'ils ont fait un tour à Cocody. Oh yes. Ok. En tout cas, vraiment, vraiment, parce que je vois qu'effectivement, c'est des accords très, très riches, très compliqués. Oui. Et pour la petite histoire, c'est ce qui, oui, a fait que, oui, c'est son esprit sa créativité, sa manière de travailler qui a fait au fait que je me suis accroché à lui. Oui. Quand nous nous sommes rencontrés pour la première fois, comme il le disait, je l'ai entendu jouer. Parce que moi, j'étais dans une église, c'est pas pour verser quelqu'un, mais pour dire que musicalement parlant, je me sentais plus trop avec les instrumentistes parce que je n'arrivais pas à recevoir ce que j'attendais d'eux. Absolument. Et quand Dieu a fait la grâce que j'ai rencontré le frère, je l'ai écouté jouer. Il faut l'encourager. J'ai écouté jouer. Et de façon prophétique, il lui a dit, frère, on doit faire chemin ensemble. Oh, il a dit, ok, bon, je vais prier. Il dit, bon, ça, toi au moins, tu es un enfant de Dieu. Et donc, quelques mois plus tard, il dit, bon, bien aimé, on va se rencontrer. J'ai prié le Seigneur, vraiment, le Seigneur m'a convaincu de travailler avec toi. Et on a travaillé ce jour-là sur notre premier morceau qui est Prions. Ce morceau-là, c'est un très vieux morceau. On l'a composé il y a très longtemps. Ce jour-là, Seigneur Stenant, on a travaillé sur Prions. Il a fait ce jour en même temps la structure de Prions. Et c'est cette structure-là qui est restée jusqu'aujourd'hui. Même quand on était en studio, on a essayé même de vouloir modifier. Mais le Saint-Esprit nous a convaincu que la première structure depuis le jour, c'est ce qu'on maintient. Oh, yes. Ouais. Bénis le Seigneur pour cette grâce. Allons-y, je le sens, Ignace. Voilà, il a dit quelque chose tout à l'heure sur un élément sur lequel je voudrais donc revenir insister. Voilà, pour dire que lorsque vous avez une composition, vous avez un chant que vous voulez arranger, vous avez remarqué que la quasi-totalité des artistes que nous recevons ici, on leur demande un peu les conditions dans lesquelles ils ont travaillé. C'est pas vouloir forcément faire de la démonstration musicale ou de la mystification, c'est juste pour nous encourager. Voilà, toutes les personnes qui sont en quête de studio, qui sont en train de se préparer, pour que vous compreniez un peu comment ça se passe, les réalités en studio. Voilà, c'est pour ça que nous leur posons la question sur les conditions de travail, comment ça se passe. Voilà, pour que ceux qui nous écoutent, qu'ils soient chanteurs, même arrangeurs, producteurs, que vous soyez imprégnés des réalités du studio. Hein. Et donc, c'est cela qu'il a dit. Et je voudrais marquer un arrêt là-dessus. Voilà, le morceau a été conçu et il y a eu un premier arrangement. Voilà, mais quand ils sont arrivés en studio, chaque fois qu'ils ont voulu certainement changer la chose, ils n'ont pas pu, ils ont préféré garder la première structure. Voilà, c'est ce que nous évertuons à dire, hein. On s'efforce toujours à vous dire que dans toutes les écoles de musique, de musicologie, on vous dira, on vous tiendra le même langage. La première inspiration est la meilleure. Voilà, la première inspiration. Donc même quand on parle d'arrangement, voilà, on n'arrange pas pour dénaturer le chant. Quand on arrange pour certainement embellir le chant pour ajouter une plus-value. Voilà, ce n'est pas qu'on va complètement changer l'ordre de la chose. Le chant reste tel qu'il a été conçu, mais seulement on apporte des ingrédients pour embellir. On arrange, voilà. On dit qu'on arrange, voilà. On apporte un arrangement, mais on ne dénature pas le chant. Voilà. Et donc, ils ont gardé l'esprit du chant. C'est très, très, très important. Allons-y, on garde le même chant. Emmanuel. Allons-y, les cœurs. Je vais vous entendre. C'est toi, Emmanuel, mon seul appui. C'est toi, Emmanuel, mon seul refuge. C'est toi, Emmanuel, mon seul ami. Le groupe dans c'est son ensemble, comment ça a été constitué? Emmanuel, mon seul appui. Pour dire vraiment, je profite de l'occasion de cette antenne pour dire merci à mes bien-aimés ici. Mon seul refuge. Vraiment, c'est pas facile. Surtout ici en Côte d'Ivoire, Emmanuel, un chant pour avoir une orchestre, c'est pas facile. Emmanuel, c'est ce qui nous emmène souvent à faire des choses, des coupés collés, parce qu'il n'y a pas d'orchestre opéra pour travailler ensemble. Je profite de cette antenne pour dire merci à tous ces frères. Quand vous allez regarder le clip, que ce soit le saxophoniste, que ce soit même le dernier des batteurs, tous sont des frères en Christ. Je leur ai fait part de mon projet. Ils m'ont dit, frère, on va te soutenir. Emmanuel, et c'est bien aimé. Je cite Yves Alou qui n'est pas là. Emmanuel, je cite Marie-Madeleine Emmanuel, qui n'est pas là. Elle est un peu bon truc. Je ne peux pas bien. Je cite Danik n'est pas là. Toi, vraiment, ils sont nombreux. Emmanuel, tous ses amis sont des frères en Christ. Ils m'ont dit, l'appui, on va te soutenir. C'est toi. C'est vrai, quand on te regarde, on sait que tu ne peux pas avoir l'argent pour payer nous tout le monde. Mais étant donné qu'on a commencé ensemble depuis le début jusqu'aujourd'hui, on sera avec toi. Emmanuel, et donc, depuis le studio, c'est eux qui ont fait les cœurs. Ils sont venus jouer les instruments. Je parle du guitariste JB, que vous connaissez très bien. Je parle aussi de Jordan, le bassiste. Vraiment, ils sont formidables. Toi, ils ont été formidables. Emmanuel, et je leur dis merci. Que Dieu les bénisse. Et à chaque fois que j'ai besoin d'eux, ils sont là. S'ils ne sont pas là, c'est que vraiment, toi, ils ont été empêchés. Emmanuel, je leur dis merci. Merci infiniment. Et que Dieu les bénisse. Emmanuel, que Dieu les bénisse. Emmanuel. Emmanuel. Emmanuel. Emmanuel, Emmanuel, Emmanuel, toi es fidèle, Emmanuel, Emmanuel, c'est toi, Emmanuel, Emmanuel, vous voyez, Emmanuel, le sang est clair, mon seul abri, mon seul abri. Des situations controversées, on se dit, bon, notre affaire là, Emmanuel, on se dit, mais est-ce que mon affaire là, même Dieu va me secourir? Emmanuel, mais Dieu, la seule contribution qu'il nous demande, c'est notre persévérance. Maintenant, le reste, lui fait le travail. Alors, je voudrais, auditeur, si tu m'écoutes, que désormais, dans ton calepin, dans ta conscience, tu puisses intégrer désormais Chantre Armel Cyril. Chantre Armel Cyril. Et tu vas dans les kiosques, le titre de l'album, c'est Gloire à Dieu. Merci beaucoup. Maintenant, vous là, je vais parler avec vous. Vous, vous chantez ce moment, vous voulez pas parler, vous allez parler aujourd'hui. Alors, je vais commencer par Naomi. Comme Naomi, je sais que c'est les besoins de studio. Si elle n'est pas timide, on connaît une femme qui est timide. Ah, viens ici. Voilà, viens, approche du micro. Ah, Naomi, je veux que tu dises quelque chose. Hein, Rebecca, hein, on va parler, on va s'amuser. Alors, dans votre manière de. Parce qu'on a pris le temps, nous autres, d'écouter l'œuvre avant qu'on ne réalise cette émission. Hein. Alors, je veux dire. On sent quand on écoute l'album hein, que vous êtes. On sent la joie dans vos voix. On sent que vous êtes très à l'aise de travailler avec lui. Hein. C'est ça, non, Naomi? Oui, c'est ça. Faut parler, viens que c'est tu vas ça, parler. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Il faut parler. Hein? Oh, dis là, c'est. Faut l'encourager. Oui, c'est pas facile. C'est pas facile, hein? Naomi, c'est ça, non? Tu travailles avec Armel, ça fait combien de temps? Bon, ça fait peut-être maintenant 2 ans. 2 ans, non, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Alors, je veux que vous nous dites un peu comment ça s'est passé, l'ambiance en studio. Hein, tout à l'heure. Oui, en studio. Est-ce que ça a été facile? Non, c'est pas facile, mais avec Dieu. Hein, Rebecca? Bon, comme sinon, je trouve pas que c'est facile. Il faut l'encourager! Je trouve pas que c'est facile, mais avec la grâce de Dieu, on peut vraiment. Alors, Naomi. Dis-moi, entre nous, parce qu'on est en train de parcourir, on a déjà le deuxième tout à l'heure, on va écouter Au Follet Bonhomme. Alors, est-ce qu'en studio, entre nous, est-ce qu'il y a un titre, la vérité, qui vous a fatigué un peu? Au Follet Bonhomme. Ah bon? Pourquoi? Ça. Parce que bon, les paroles. Il fallait bien prononcer. Peut-être. Ok. Rebecca, toi, c'est la même chose? Non. En fait, moi, j'ai pas eu de chant qui m'a fatigué. Vraiment. Mais est-ce qu'il y a un chant sur les 6 là? Je veux dire que chaque fois qu'on exécute, En tout cas, on sent que particulièrement vous aimez ce chant, Naomi. Bien. Bon, allons-y, comme tu as le micro, ouais. Ok, vraiment, oui, sire. Le chant Emmanuel que nous venons de chanter, vraiment. Quand j'écoute ce chant, quand vraiment mon artiste chante ce chant, vraiment, je suis content, je me sens là-dedans, quoi. Naomi, à toi. À toi la gloire. À toi la gloire. À toi la gloire. On va exécuter à toi la gloire. Hein. On va reprendre à toi la gloire. Juste un extrait, hein. Juste un bout. Il est merveilleux, notre Jésus. Honneur, puissance et gloire à ton nom. Alléluia. Honneur, puissance et gloire à ton nom. Jésus qui a ôté mon fardeau. Jésus sacrifié pour moi. À toi la gloire, ô ressuscité, chante avec moi, toi la gloire. À toi la gloire, ô ressuscité. On a déjà plutôt auditeur, voilà. Oh. Alors, manager, il faut leur parler. Je sais qu'il n'a qu'à me laisser écouter, il faut leur dire. Que s'ils veulent l'intégralité, c'est pas compliqué. Où on peut avoir ça, voilà. On peut avoir l'intégralité musicale du chanteur Ahmed Cyril, ici même à la radio Fréquence Vie, voilà, et aussi à la radio Chandelier, sur la télévision Béni TV, LMTV. On peut aussi trouver ce phonogramme-là sur la première plateforme de musique c'est gros chrétienne. Le CD. Voilà, hein, phonogramme. Voilà. Tout le monde ne comprend pas. D'accord. Tu fous en train de t'écouter, tu dis phonogramme. Tu sais pas ce que ça veut dire. Autant pour moi. Voilà. Ouais. Donc, le CD, il est disponible aussi sur la première plateforme de musique, je disais, Hit Chrétien. Ouais. Voilà. Et vous pouvez l'avoir à la radio Gloire FM. Oui. Et aussi à la radio RFA, RFA, la radio Femme Active, et aussi dans toutes les librairies chrétiennes Ebenezer et Adoration ici à Abidjan. Voilà, et nous si allons donner trop, tous nos contacts tout à l'heure. Si c'est trop cher, c'est combien? Oui, le CD coûte seulement 3000 francs. 3000, le CD ça, sticker, c'est... hein? Oh, yes. Sticker, il coûte 3000 francs. Voilà. Voilà. Alors donc, allons-y, hein, puisque tu es pressé pour donner les contacts, ça veut dire que ça veut dire qu'Armel est disponible, c'est ça, hein? Armel est très très bien disponible. Mmh. Déjà, on a déjà parcouru plusieurs zones. Nous sommes invités un peu de partout depuis la sortie de cet album-là. Nous sommes joignables au 78 60 38 25. Je répète, 78 60 38 25. Je veux donner un petit témoignage d'abord avant le numéro. On était ce week-end à Agoville pour aller placer l'album en promotion dans la radio d'Agoville. Donc, mon frère ici, il a dit, bon d'accord, il faut qu'on fasse quelques églises. Mais Doyen, j'ai eu chaud. Affaire de Foulet Bounon. Quand j'ai fini, on ne prononce pas comme ça. On dit comme ça. On dit, je dis pardon, je suis Dida. J'ai fait un effort pour vous donner ça, vous ne voulez pas chanter. Vraiment, j'ai eu chaud avec les abeilles. Je profite pour vraiment les saluer. Le second numéro qu'il voulait ajouter, c'est le 75-43-97-73. Et le 78-60-38-25. Voilà. En tout cas, on est content de parler avec vous. On va donc passer à un autre titre. Voilà, il a parlé d'Agboville. On va écouter donc pour tous nos amis d'Agboville. On va tout dire à Dieu. Puisqu'on on nous reçoit là-bas, voilà. Au Follet, bon, non, c'est ça, hein? C'est bien ça. Hein? Ma mère au fond de sa mort, me dit qu'il t'entend mettre. l'éternel est puissant. C'est pas ma faute si tout me voit prospérer. Quand tu me voyais malheureux, tu t'en réjouissais. Quand tu me voyais dans l'amour, tu t'en réjouissais. Quand tu me voyais misérable, tu t'en réjouissais. Quand tu me voyais en misère, tu t'en réjouissais. Aujourd'hui, sois pas surpris de voir ma position changer. Sois pas surpris de voir que je ne suis plus le même. Et c'est râle. Gloire à Dieu, le nouvel album de Armel Cyril que nous sommes en train de vous présenter. Il est là dans ce studio lui-même avec la sœur Rebecca Naomi Zozo, l'arrangeur Ignace Malekpaï, et puis le manager Viti. Voilà, on a insisté tout à l'heure pour dire que l'album est disponible, le groupe même est disponible avec à sa tête Armel Cyril lui-même. Le contact 78 60 38 25 et le 75 43 97 73. L'album ici à la radio Fréquence Vie, Radio Chandelier, les librairies Adoration et Ebenezer, à 3000 francs seulement. Voilà, on va progresser et puis vous donner donc un aperçu hein, d'un autre titre, Jésus m'a visité. C'est cela, hein? Alléluia. Voilà, on va écouter. Où que tu sois bien aimé, si tu me reçois, je veux te dire, pour laisser ce message, te dis que la vie n'est pas une pousse. Tu te dis, c'est un amour dans la maison de Dieu que tu es depuis, et que tu n'as pas encore été visité. Laisse-moi te dire que Christ va te visiter. Ha! Gloire et élévation à celui qui règne au plus haut des cieux. Ha! Il m'a fait comprendre que la vie n'est pas une course. Hey! Ce qu'il a prévu pour toi, il le fera en son temps. Quand l'ennemi se lève, ta victoire est dans la prière. Ce ne sont ni les pleurs, ni les lamentations. Écoute ça! Mais dans la persévérance, dans le combat au pied du Seigneur, Jésus va te visiter. Hosanna. Jésus va te restaurer. Hosanna. Jésus va t'élever. Hosanna. Jésus va te bénir. Hosanna. Jésus va te visiter. Sois certain. Hosanna. Jésus va te restaurer. Hosanna. Jésus va te bénir. Hosanna. Ton Dieu va te guérir. Hosanna. Persévère. Ne baisse pas les bras. C'est parti. Yeah. Ah, tu verras en arrière les humiliations. Le temple jeune forcé. Les inquiets du lendemain ont donné place au projet construit. ceux qui te montrent du doigt acclameront pour ta victoire. Ah, ah, ah. Les mêmes qui t'évitaient hier, aujourd'hui cherchent où je demeure. Sans rancune, je les reçois à la table que mon Dieu m'a dressée. Ils voient ce qu'il a fait pour toi et témoignent que ton Dieu est vivant. Oh, oh. Et tu peux lever les mouchoirs, mais tout le monde est dansé là. Ah, célébrer ta victoire. Ah, célèbre, célèbre. Et bon, c'est parti, on dit. Jésus va te visiter, Hosanna. Jésus va te restaurer, Hosanna. Jésus va t'élever, Hosanna. Il va te bénir, Hosanna. Jésus va te consoler, Hosanna. Jésus va te consoler, Hosanna. Il va te visiter, Hosanna. Il va te restaurer, Hosanna. Alléluia, Hosanna, chante avec moi, Alléluia, Hosanna, Alléluia, Hosanna, Alléluia, Hosanna, sois élevé, Hosanna, sois glorifié, Hosanna, Alléluia, Hosanna, Alléluia, Hosanna. Dédicace spéciale à l'épouse. Hosanna. Papa François, grande danseuse devant l'Éternel. Oh, Hosanna. Hosanna. Ah, merci qu'on a beaucoup de plaisir. Oh, Hosanna. Jésus va te visiter. Hosanna. Oh, Hosanna. Merci. Oh, yeah. Oh, oh, je précise que c'est l'un des titres phares de cet album. Hein. Alors, quand on a écouté « À toi la gloire, Emmanuel », on s'est dit, bon, ce gars-là, il est dans un registre, ben, on voit que tu... Après, tu vois, Dieu fait des choses. Hein. Mon ami, il ne vient jamais assister à mon émission. Mais comme tu chantes en abbé, il est là aujourd'hui. Au fond, le bonhomme. Oh, c'est les abbés. Ça s'acclame. Hein. Non, c'est comme ça, les abbés, il y a quelque chose qui les attire. Voilà, voilà, voilà. C'est le Dida. Alors, on est content, hein, vu le témoignage que tu viens de donner, les difficultés de la vie et tout ça, on va dire, prions. Ben, quand ça chauffe, là, il faut... Esprit de Dieu, nous t'appelons, descends, reviens, agis parmi nous. Feu divin, au nom de Jésus, nous crions à toi, Père, viens parler. Consoler nos cœurs, mon Jésus. Voilà, c'est comme ça. Juste à la fin de cette émission, on commence à. T'as tes enfants malades, souffrent de tout défaut. Voilà. Alors, Viti, on a terminé. Parce qu'il y a un appel à la salle derrière moi. Grand appel à un appel, un cri quand même déjà. Parce que le chanteur Armel Cyril, il est jeune dans ce milieu-là. Il commence vraiment. Il est encouragé. Donc on exhorte déjà l'ensemble du corps de Christ et tous les hommes de Dieu, les grands hommes de Dieu, tous ceux qui détiennent une assemblée. Vraiment, le chanteur Armel Cyril, il est à votre disposition. Le champ Ahmed Stiril, le ministère de la louange, c'est un ministère à part entière. Hein. Il n'est pas à négliger. Aujourd'hui, il y a l'évangéliste Dag qui vient bientôt. On nous fait savoir que l'évangéliste Dag, c'est quelqu'un qui s'inspire de la louange. Il donne des révélations au travers même de la musique. Donc c'est pour dire le ministère de chant, c'est un ministère à vraiment encourager. Et nous exhortons nos hommes de Dieu ici en Côte d'Ivoire. Vous avez un talent tel Carmel Civil. C'est le moment d'en profiter. Voilà, on doit valoriser ce qu'on a, ce qu'on possède. Et Amel Cyril, c'est quelqu'un vraiment de consacré à l'Éternel. Il a un témoignage au niveau de ses pères spirituels vraiment très, très, très bon. Donc, ce n'est pas quelqu'un qui pourra peut-être venir nous donner de telles œuvres à pouvoir faire perdre le troupeau chrétien. Donc, on exhorte vraiment nos hommes de Dieu. Que ce soit une campagne d'évangélisation, un programme de prière, que ce soit des mariages, des baptêmes, au sein de vos assemblées, nous sommes disponibles. Nous sommes vraiment disponibles. Les contacts, on va les redonner encore tout à l'heure. Nous sommes disponibles. Vous pouvez même les prendre déjà. Il y a le 78 60 38 25. Le 78 60 38 25. Et le 75 43 97 73. Donc, comme on le disait, nous sommes disponibles. Même si c'est à l'intérieur du pays, nous sommes vraiment disponibles. Que le Seigneur bénisse tous les auditeurs de la radio Fréquence Vie. Et à très bientôt pour un autre numéro. Que Dieu nous bénisse. Amen. Je dis merci au peuple de Dieu. Voilà, déjà à tous ceux qui nous ont reçus depuis que nous avons commencé à être sur les antennes de la radio de la vie, tous ceux qui ne cessent de nous appeler, de nous encourager, de prier pour nous, je leur dis merci. Et encore une fois de plus, nous sommes disponibles. N'hésitez pas, nous sommes votre frère et nous sommes là pour servir Dieu avec vous. Que Dieu vous bénisse. Alors, en tout cas, merci. Hein. On va un tout dernier applaudissement. Merci beaucoup. Merci d'être venu. Voilà, hein. Aou, Rebecca, Naomi, Zozo, Ignace Malekpaï, Biti, voilà, et puis Armel Cyril lui-même, Atrou, Armel Cyril. Ils sont tous venus pour nous parler de l'album, hein, d'album Cyril tout nouveau. Gloire à Dieu, une œuvre de 6 titres. Hein. On s'est efforcé à vous donner un aperçu parce qu'on ne peut pas. Voilà, vous avez remarqué que juste Emmanuel a pris pratiquement la moitié du temps pour dire que chaque titre a une histoire. Hein. À toi la gloire, Emmanuel. Jésus m'a visité au Follet Bonon, c'est ça, non? Et prions, et puis ton esprit. En tout cas, merci d'être venu, merci. Edouard, merci d'avoir réalisé. Chris Célestin était là pour nous encourager, l'évangéliste à l'audier. Et puis la coordination centrale a été l'affaire de Apata François. Jésus en musique pour aujourd'hui, c'est terminé. Merci de nous avoir suivis. Dieu bénisse, au revoir. C'est toi, Emmanuel. Emmanuel, mon seul refuge, c'est toi, Emmanuel. Jésus en musique. Jésus en musique, votre espace musical. Un cocktail de musique chrétienne, de chants de louange et d'adoration. Jésus en musique, c'est aussi les anciennes gloires et les meilleures sonorités du moment. Des rencontres musicales, des entretiens avec les partenaires de la musique chrétienne. Une heure de causerie débat, d'entretien avec les partenaires de la musique en honneur de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Animateur, producteur, promoteur des spectacles à caractère musical, artiste musicien, arrangeur, manager chrétien, cette émission est la vôtre. Jésus en musique, c'est la musique d'ici et d'ailleurs sur les 89.4. Présentation, François Delormas. El Shaddai, c'est le moment. El Shaddai, c'est le moment de consoler tes enfants. Source de vie, c'est le moment. El Shaddai, c'est le moment de bénir tes enfants.